suis fasciné, ainsi continuer de garder l'image d'ami que je croyais t'aider. Inventer des histoires et comploter, embobiner les autres à bien maîtriser, dire que je t'aimais même quand t'étais trop sous, racontant des salades à vomir debout. Bien te connaître, je sentais au fond de toi quelqu'un d'honnête, mais qui te donne qui claque dans ma gueule. Quand j'ai découvert que tu étais même pas le seul à me rabaisser.